Tout le personnel et la direction de Dolbo Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbo Auto, au 1770 boulevard Wahlberg, à Dolbo-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. Dick Tremblay de Haltech. Aucune occasion n'est plus propice pour vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous avez témoignée envers l'équipe de Haltech pour vos systèmes de climatisation et d'échangeur d'air. Nous visons un objectif bien précis, la qualité. Nous vous assurons notre entier dévouement afin de vous offrir des produits et un service supérieur. Profitez des jours de fête et soyez prudents. De la part d'Éric Tremblay et toute l'équipe de Haltech. Les membres du conseil municipal de Dolbo-Mistassini se joignent à moi, Pascal Cloutier, pour vous offrir des vœux de paix et de bonheur à l'occasion des fêtes. Après une année mouvementée, que la magie de Noël apporte joie et gaieté dans vos foyers et qu'elle soit le prélude d'une bonne année 2021. On va faire une chronique, c'est drôle le fun de parler avec notre ami Simon Boisvert, parler des prospects du Canadien, en fait, souvent au 91-9, là, j'ai décidé de l'appeler pour le temps des fêtes. Salut Simon! Salut Danny. Simon, avant de commencer, c'est une question que je pose à tous mes invités pour le temps des fêtes. Ton plus beau cadeau, ton plus beau souvenir de sport pendant les fêtes, là. Pas après ou avant, là. Pendant les fêtes. Match. Match ou plus beau cadeau, là. Ça peut être un oui, cadeau que tu as eu à Noël, ouais, ok. Canadien, Armée Rouge, okay. 31 décembre 1975 au Forum. Ah, God. Ça revient souvent, hein. Puis on en a parlé en dehors des ondes jeudi quand je t'ai demandé de faire ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis sais-tu ce que j'ai repassé après ça, Simon? Tu sais, je te disais que moi j'avais trouvé ça bien ordinaire, mais c'est parce que le problème, c'est qu'on regarde ce match-là avec les yeux d'aujourd'hui. Exactement. C'est sûr que je l'ai revu quelquefois, ce match-là, et puis c'était pas un grand match, c'était rempli d'erreurs. Ouais. Et puis il n'y a pas beaucoup de joueurs de cette époque-là qui tiraient leur épingle du jeu aujourd'hui. Mais lorsque tu compares ça avec l'époque et également le contexte de la guerre froide entre l'Amérique du Nord et l'URSS, ben c'est sûr qu'il y avait aussi un mystère autour des joueurs russes parce qu'ils ne jouaient pas dans la Ligue nationale à l'époque et on se demandait comment ils pouvaient se comparer aux joueurs de la Ligue nationale. Ouais. Et alors qu'aujourd'hui, le mythe est complètement défait. Tu sais, Ovechkin, Malkin, Pavel Bure, on a tout vu ça. Mogilny. Mais dans ce temps-là, c'était très mystérieux, les joueurs russes. Hey, je vais te demander vite une question, vite de même. Là, Snake, parce que je voulais parler du Canadien. Le meilleur joueur russe de l'histoire que tu as vu, c'est qui? Le meilleur joueur russe de l'histoire que j'ai... toute époque confondue? Ouais. Ben, Alex Ovechkin. Même avant Krutov, Larionov, Makarov, tu peux parler aussi de Tretiak dans les buts, tu peux parler de... Oui. Ouais, Fetisov. Ouais, même si on essaie d'équilibrer ça avec les époques et tout, là, moi j'ai aimé beaucoup Valérie Arlamov dans les années 70. C'est lui qui est décédé d'un accident d'auto? Il est décédé dans un accident d'auto dans les années 80. OK. C'était le meilleur joueur russe, ça, dans les années 70, je te dirais. OK. Mais il n'était pas aussi bon que Guy Lafleur. Non, OK. Non. OK. Donc, voilà. Hey, Snake, on va y aller avec je t'ai demandé de te préparer les 10 meilleurs top 10 prospects du Canadien. Donc, on va y aller avec le numéro 10. Oui, moi, je vais avec Sean Farrell. Sean Farrell, qui est le joueur, un choix aujourd'hui du Canadien, là, cinquième au total, un choix de cinquième ronde de cette année. Exactement. Moi, je vois beaucoup de potentiel dans ce gars-là. Okay. Si jamais il avait mesuré peut-être 3 pouces de plus, je crois qu'il aurait été un choix de première ronde. Ah oui, OK. Alors, c'est pas une garantie qu'il va faire la Ligue. Mais je le trouve tellement habile que si c'est pas à Montréal, il y a quelqu'un à un moment donné qui va lui donner une chance de jouer là, peut-être sur un deuxième trio parce qu'il y a vraiment là, des mains et puis un coup de patin exceptionnel. OK. Est-ce que c'est comparable à Johnny Gaudreau? J'ai vu des papiers là-dessus qui le comparent à Johnny Gaudreau. C'est le même style de jeu et le même physique, je te dirais. Okay. De là à dire qu'il va être aussi bon, ça, c'est une autre paire de manches. Okay. Mais c'est à peu près dans le même moule, si on peut dire. OK. Numéro 9. Oui, moi, je vais avec... est-ce que tu veux des joueurs, finalement, qui sont déjà dans la Ligue, ou est-ce que tu veux seulement des espoirs? Quand je t'ai demandé les 10 meilleurs, là. Fait que vas-y avec les 10 meilleurs, là, les espoirs. Ben, moi, je suis allé avec les joueurs de moins de 22 ans. OK, c'est bon. Alors, ça peut inclure des joueurs qui sont déjà... chez le Canadien. Je trouve que c'est un exercice qui est peut-être plus juste. Parce que c'est pas juste d'exclure un joueur de 20 ans parce qu'il est déjà dans la Ligue nationale, alors que d'autres, des prospects, ont 23 ans et sont dans la Ligue américaine. Alors, je suis allé comme ça avec des joueurs établis. Dans ce cas-ci, j'ai Cale Fleury, 9e. Cale Fleury, qui est déjà un joueur de la Ligue nationale. Je ne sais pas s'il va être meilleur que ce qu'on voit en ce moment, mais je pense que ça peut être éventuellement un... Ça peut être, là, il peut avoir une carrière de joueur de troisième paire de défense. Ou cinquième, sixième. Il avait montré des belles choses. Il avait plafonné l'année passée, puis il l'avait renvoyé à Laval. Donc, j'espère que... Là, avec tout ce qui arrive avec le COVID, j'ai hâte de voir le développement des joueurs. Comment que ça va se développer ensuite. Donc, le numéro 8 maintenant. Oui, j'ai Ryan Poehling, qui n'a pas fait sa place encore chez les pros. Je pense que ça va être un joueur de bottom six, le troisième, quatrième trio. Probablement plus à l'aile, parce que le Canadien a beaucoup de profondeur au centre. Donc, je vois pas nécessairement un grand talent offensif chez lui, mais je pense que c'est un gars qui pourrait se débrouiller et puis brasser la cage un peu. OK. Poehling, est-ce que tu penses que dans le cas de Ryan Poehling, son match de 3 buts, ça lui a pas aidé, hein? Ça l'a pas aidé. Non, c'est a non, puis dans le fond, c'est quoi, Danny? Ça avait les allures d'un match pré-saison, ça. Ouais. Tu sais, les Maple Leafs étaient déjà assurés de leur position au classement. Et puis, ça avait l'air d'un match du mois de septembre. Puis non, ça a beaucoup relevé les attentes pour un gars qui, finalement, avait été jamais perçu comme un grand espoir offensif. Ouais. Puis dans le cas de Poehling, on l'avait dit après le match, il dit, je me rappelle, c'est quelqu'un qui avait dit, je sais pas si son entraîneur, il dit, garde, énervez-vous pas, là, c'est pas ça, là, Ryan Poehling. Tu sais, je me rappelle d'avoir vu des commentaires après, mais c'est probablement que lui-même, ça lui a monté au cerveau. C'est ça le problème. Oui, puis il est arrivé moins bien préparé, je trouve, l'an dernier. Ouais. Numéro 7. Numéro 7, moi, j'ai le gardien de but, Caden Primeau. OK. Je pense que d'ici quelques années, ça devrait être un bon gardien de but de la Ligue nationale. Okay. Pour le moment, il faut le garder à Laval probablement un an ou deux encore. Mais ensuite, moi, j'hésiterais pas à le faire jouer comme adjoint de Carey Price, peut-être une trentaine de matchs par année. Okay. Et puis, graduellement, d'ici l'âge de 25 ans, peut-être là, prendre le filet pour de bon là, comme numéro 1. Là, le contrat de Jake Allen de 2 ans, penses-tu que ça peut nuire un peu? Moi, je m'étais même dit, Primo, un match par semaine l'année passée, ça aurait, pour cette année, ça n'aurait pas été mauvais non plus. Mais est-ce que tu penses que ça peut retarder? Ça peut lui nuire sa confiance ou c'est juste bien ce qui est arrivé? Non, je pense que c'est correct qu'il retourne à Laval. L'année d'après, je le considérerais. T'sais, si jamais Jake Allen part à Seattle... au repêchage d'expansion, où une équipe, disons, peut offrir, je ne sais pas moi, un choix de troisième ronde pour lui, une équipe qui a besoin d'un gardien de but. Moi, je considérais sincèrement là, l'idée de donner le titre de numéro 2 à Primo. Et puis, une trentaine de matchs par année, c'est mieux une trentaine de matchs par année à Montréal, je crois, que 40-45 matchs à Laval. Ben ouais, mais pour le moment, pour cette année, il a besoin de jouer, il a besoin de prendre confiance, et puis il doit jouer avec le Rocket. Numéro 6. Ouais, j'ai Kevin Goulet, qui vient d'être choisi en première ronde par le Canadien. Moi, je pense que c'est un gars qui n'a pas nécessairement, qui fera jamais gagner un pool de hockey à personne, mais je le vois comme défenseur top 4. Okay. Il patine bien, il est assez robuste, il est bon défensivement et il est capable de sortir de la rondelle de la zone. Mais ça ne sera pas un joueur de jeu de puissance, ça ne sera pas un producteur de points, mais un gars à qui je ferai confiance une vingtaine de minutes par match. Sur un top 4 éventuellement. Puis je pense que ses chances d'atteindre ce potentiel-là sont très, très élevées. Je vois pour lui un... tu sais, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre sans être un joueur étoile. Je t'écoutais en 91-9 cette semaine, tu disais que c'est un Noah Yolson gaucher. Oui, et peut-être avec un petit peu plus de talent. Oui, c'est ça que je t'aide. Oui, c'est ça. Numéro. Alors, on va faire une pause et on revient dans quelques instants. On va y aller de 5 à 0. Vous écoutez une entrevue avec Simon Beauvert sur les ondes de danazosport.com. Le personnel et la direction de Saint-Félicien Chevrolet souhaitent à toute la population une bonne et heureuse année et vous remercient de la confiance que vous avez témoignée durant la dernière année. Que 2021 vous apporte paix, amour, santé et prospérité. Saint-Félicien Chevrolet, au 762 boulevard Sacré-Cœur, à Saint-Félicien. 418-679-1605. Ici Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le temps des fêtes est une période privilégiée où chacun peut se reposer et se ressourcer. Afin de démarrer la nouvelle année en force, je vous demande de respecter les consignes gouvernementales. En diminuant nos contacts au minimum, nous pourrons ainsi réduire la contagion de la COVID-19. Profitez de cette période pour encourager nos commerçants et artisans locaux qui ont grandement besoin de votre soutien. Leurs produits sont uniques et seront appréciés, j'en suis certain. Passez un beau temps des fêtes et bonne année 2021. Toute l'équipe de Jean Dumas Hyundai souhaite joyeux Noël et bonne année à toute sa clientèle et à la population. Et pour vos différents besoins de véhicules neufs ou usagés, l'équipe de Jean Dumas Hyundai de Saint-Félicien vous conseillera avec le même professionnalisme et le sourire pendant la prochaine année. Jean Dumas Hyundai, 700 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, 88-679-4775. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour nos nombreux spéciaux et les nouveautés dans les voitures d'occasion. On est de retour avec Simon Boisvert, spécialiste du repêchage. Simon, écoute, je voulais. On a fait de 10 à 5 pendant avant la pause. Là, maintenant, on va faire de 5 à 1. Numéro 5 dans les espoirs. J'ai Alex Romanov. Alex Romanov, oui, OK. Oui. Qui va probablement jouer dès cette année à Montréal. Okay. Je ne sais pas quel rôle on va lui donner parce que là, on a quand même beaucoup de défenseurs sous contrat avec la venue de Joel Edmundston. Oui. Mais d'après moi, ils vont probablement commencer sur une troisième paire, 12-13 minutes par match, et voir comment ils se débrouillent. Moi, Romanov, je le déteste pas, mais je vois pas en lui nécessairement un joueur super offensif. Je vois un gars très hargneux dans sa zone, qui va être capable de gagner des batailles pour la rondelle, okay. Et qui va être capable de sortir la rondelle. La seule chose qui me dérange peut-être un peu chez lui, c'est qu'il est pas très grand. Et puis, pour un joueur comme ça, ça va être difficile parfois, d'après moi, contre les gros ailiers là, de 6 pieds 2, 6 pieds 3 de la Ligue nationale. Mais il pourrait se faire une... pourrait peut-être avoir une carrière là, comme joueur de deuxième paire de défense, là, un 19-20 minutes par match. OK. Numéro 4. Oui, j'ai Cole Caulfield. Monsieur, qui est Cole Caulfield, OK. C'est surpris, mais j'aurais pensé 1-2. J'ai hâte de voir donc ça descend que Caulfield et Romanov, j'aurais placé 3-2, quelque chose de même. Donc, j'ai hâte de voir les suivants. Donc, Cole Caulfield, ouais, ben, c'est ça. Ben, Caulfield, je pense qu'il y a encore beaucoup de facettes de son jeu améliorées. Défensivement. En ce moment, là, ben, à tous les niveaux. OK. C'est un gars qui a des bonnes mains, un bon coup de patin, mais je trouve qu'il s'en sert passer. Et beaucoup trop souvent, il attend la passe pour prendre son fameux lancer sur réception breveté là, qu'on a vu souvent. Pour le moment, s'il faisait le Canadien l'année prochaine, ça serait uniquement comme joueur de jeu de puissance. Alors, ouais. Ça vaut pas la peine. On l'envoie à Laval, on lui donne un an, et puis au moins, et puis on espère qu'il compte un 25-30 buts, un peu comme, à l'âge de 20 ans, un peu comme Josh Norris a fait pour les Sénateurs d'Ottawa cette année. Il y a une très bonne saison à Belleville. Alors, si Cole Caulfield peut avoir une saison dans ce genre-là à Laval l'an prochain, en 2021-2022, ben après ça, on pourrait considérer de l'amener à Montréal. Mais il y a encore des côtes à manger là, avant de devenir un vrai pro. Moi, je trouve que les attentes sont élevées, ce que tu me dis là. Est-ce que les attentes sont trop élevées? Quand tu es rendu qu'RDS présente des matchs, je suis sûr qu'ils n'ont rien à présenter, là, mais je trouve que les attentes sont peut-être élevées. Puis de le comparer. Ouais. Hein? Oui, ben surtout pour un gars qui a été choisi 15e. Normalement, un joueur choisi 15e, les attentes ne devraient pas être aussi élevées. Mais c'est parce que, bon, c'est un marqueur de but. Et puis, je pense qu'à Montréal, on peut pas dire qu'on a eu une quantité industrielle de marqueurs de but depuis 30 ans. Hein? Non, c'est sûr. Fait que je pense que c'est ça là qui fait que les attentes sont élevées. Mais de toute façon, les attentes sont toujours très élevées envers les espoirs du Canadien, je trouve. Puis après ça... Ben, malheureusement, les fans sont déçus. Donc, comparé à Alex DeBrincat, c'est à peu près une comparaison semblable ou DeBrincat est meilleur? Ben, pour le moment, DeBrincat est meilleur. Ouais, OK. Mais, parce que Caulfield, pour le moment, pour moi, c'est uniquement un joueur de jeu de puissance. Ouais, OK. Okay. Numéro 3. J'ai Jordan Harris. Jordan Harris, ah ouais, OK. Oui. Qui, d'après moi, est le meilleur espoir à la défense du Canadien. Un défenseur qui va certainement être top 4. Peut-être top 2, parce que lui, contrairement à Romanov et Goulet, il a du talent offensif. Ouais. Et ça, c'est un joueur qui éventuellement pourrait jouer sur le jeu de puissance. Ça ne sera pas nécessairement un joueur étoile, mais je le vois comme un possible très bon joueur dans la Ligue nationale parce que sa progression a toujours été vers le haut depuis 5 ans, depuis qu'il était dans les rangs mineurs. Là, moi, je le suis depuis l'âge de 15 ans. Et puis, à chaque année, j'ai vu une grosse progression. Et ça, c'est toujours très bon signe. Il doit signer son contrat à la fin de la saison. Arriver l'an prochain. Et puis, probablement une saison à Laval, là, ça lui ferait du bien. Mathias Brunet disait qu'il n'y a plus rien à prouver. Là. Non, tu pas ça dans notre Non. C'est fini. C'était une saison de trop. Là. Ouais, okay. S'il n'y avait pas eu les circonstances qu'on a eues cette année, moi, j'aurais poussé très, très fort là, pour qu'il signe et qu'il joue à Laval dès le mois d'octobre. Mais là, écoute, tant qu'il n'a pas joué, il est aussi bien d'être là-bas. OK. Numéro 2. Bien, là, encore, on prend des joueurs jeunes, mais qui sont établis dans ce cas-ci. Jesperi Kotkaniemi. Ouais, OK. Écoute, il a seulement 20 ans. Alors, ouais. Tu sais, il a l'âge de Jordan Harris, finalement. Ouais. Alors, moi, je dois le considérer. Kotkaniemi, je ne sais pas s'il va devenir un joueur étoile. Je pense pas. Mais est-ce qu'il peut devenir un bon joueur de centre, un des 30 meilleurs joueurs de centre de la Ligue? C'est fort possible. On a vu un très petit échantillon là, cet été contre Pittsburgh. Ouais. Mais moi, je me fie pas juste à ça. Là. Il va falloir... Il va falloir vraiment qu'il soit plus solide sur ses patins. Et il faut qu'il continue à grossir et puis à devenir plus fort. Mais un grand gars comme ça, qui était très mince à l'âge de 18 ans, ça lui a peut-être pas rendu service non. de jouer tout de suite à Montréal. Non. Mais les besoins étaient tellement immenses à Montréal que... Mais j'ai pas perdu espoir. Mais je le vois pas non plus comme un joueur étoile. Mais est-ce qu'il pourrait être un bon centre numéro 2 derrière Nick Suzuki? C'est fort possible. Et Suzuki, j'imagine, est le premier parce que... Ben, Suzuki est premier, 21 ans. Il vient d'avoir 21 ans. Je pense que tout a été dit sur lui. Lui, il a fait ses preuves déjà. Et c'est certainement, là, à court et à moyen terme, c'est le meilleur attaquant du Canada. Dis-moi, Snake, tu m'as pas parlé de Mathias Nylander, Jesse Ylönen, qui est en Finlande, et oui. Lucas, le joueur là, je vais aller te chercher le deuxième choix cette année, là, Yann Misak, qu'on dit que c'était... Yann Misak, OK. Comparé à Jordy Benn, est-ce que c'est exagéré encore? Jordy Benn? Son frère. Jimmy Benn? Excuse, ouais. Ouais, ben c'est sûr que c'est exagéré. Jimmy, hein? Écoute, Yann Misak, moi, je l'aime bien. J'avais classé en première ronde. OK. Cependant, moi, ce qui me dérange un peu chez lui, ben c'est pas vraiment de sa faute, mais c'est que, est-ce qu'il va y avoir de la place pour lui chez le Canadien? Mm. Tu sais, regarde tous les joueurs qui ont été mis sous contrat pour plusieurs années. Mm. Alors, et vraiment, pour s'ouvrir un chemin vers Montréal... Il va falloir qu'ils produisent énormément. Ouais. Alors, peut-être que l'avenir de Misak est ailleurs. Ça pourrait devenir une monnaie d'échange à un moment donné. Un autre truc avec Misak, c'est que si c'est pas un gars qui fait le top 6, il jouera pas dans la Ligue nationale. Je le vois pas comme un grinder de quatrième trio. Donc, pour le moment, il demeure un point d'interrogation de ce côté-là. Mais s'il connaît une grosse saison, une grosse fin de saison dans l'Ontario, dans la Ligue de l'Ontario, il pourrait monter dans le classement l'an prochain. OK. Et Ylönen en Finlande, le joueur, choix de deuxième ronde il y a quelques années, on entend parler beaucoup bien de lui. Ylönen, je ne suis pas sûr que je le vois comme un joueur de la Ligue nationale. OK. S'il fait la Ligue nationale, ça pourrait être peut-être sur un troisième, quatrième trio. Mais moi, je trouve qu'il est trop soft, dans le sens que, il a un bon coup de patin, il a un bon lancer. Mais quand tu joues dans la Ligue nationale, il faut que tu aies une vitesse d'exécution. Il faut que tu sois fort physiquement. Puis il faut que tu aies du chien. Mm. Et puis je trouve que ce gars-là, en Finlande, pas qu'il perd son temps, mais il n'est pas vraiment challengé. Ouais. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de contact physique. La patinoire est grande. Puis je trouve que, je sais pas, on va voir à Laval. Là, il est supposé s'en venir cette année. Je pense que c'est un gars qui, au départ, pourrait en arracher. Mm. Honnêtement, là, avec le hockey nord-américain. OK. Et Nylander, je suis pas surpris que tu te classes pas. Depuis le début, tu dis que c'est un gars surévalué, puis qu'il joue en deuxième division. Donc, je suis pas vraiment surpris que tu te classes pas dans le top 10. Là. Moi, je crois pas du tout en ce cas-là. OK. Je trouve qu'il fait du balai sur la glace. OK. Alors, tu sais, toutes les buts qu'on nous montre sur Twitter, puis YouTube, et puis... Moi, ça m'impressionne pas du tout parce que il est pas challengé. C'est un peu comme Ylönen. La patinoire est grande. Il y a personne qui l'attaque. Et il est pas fort. Il est souvent sur le derrière. Alors là, on parle d'un défenseur, là. Pas juste un gars pour aller faire des points, là, sur le jeu de puissance, contre les Red Wings de Détroit, là. Mm. Là, tu parles d'un gars que si tu le mets dans un rôle prépondérant, ben, il doit faire face aux Flyers de Philadelphie. se défendre contre Sean Couturier. Ouais. On peut les nommer, là. Comment ce gars-là va réussir avec une force physique aussi, c'est aussi faible? Mm. Et puis, les genres de jeux qu'il fait, on lui donne beaucoup de temps pour tout faire ça. Il manie la rondelle, il prend son lancer, ouais. Les gardiens de but sont pas très bons. Moi, je ne crois pas du tout en ce joueur-là, et je ne serais pas surpris qu'il ne s'établisse jamais dans la LNH. Je sais que c'est une prédiction qui va décevoir bien des gens, puis de toute façon, ben écoute, peut-être que je vais me tromper, mais pour le moment, moi, je trouve que c'est le joueur le plus surévalué dans l'organisation du CH. C'est souvent le Canadien, c'est souvent ça. Snake, un gros merci encore une fois. Je te souhaite de joyeuses fêtes, des fêtes bizarres comme tout le monde vont faire cette année. Fait qu'un un gros merci pour le plaisir de se parler. Hey, ça m'a fait plaisir, Danny. Simon Boisvert.